1er mai. Le bonheur, ce trésor caché dans le hasard d'une rencontre, dans un regard qui n'ose pas, dans la malice d'un sourire. Le bonheur d'une longue attente, mais chaud comme un soleil d'été, quand après les nuages gris, le ciel irradié flamboie. Incertain, le bonheur rêvé du tout premier baiser volé, si pressé de goûter enfin le suc des lèvres adorées. Dans l'œil, l'étincelle qui luit de cette liquide beauté, quand le regard bleuté se pose sur le visage suppliant, enfin le bonheur de s'aimer dans la douceur du 1er mai.